Et puisque nous parlons de profession, je voudrais à présent introduire une nouvelle transformation qui consiste à substituer la terminaison « er » d'un certain nombre de mots français par les terminaisons anglaises « or » ou « er » qui toutes deux se prononcent « er ». Commençons par la transformation de « er » en « or » comme c'est le cas par exemple de « docteur » qu'on vient juste d'évoquer et qui se dit « docteur ». Doctor, D-O-C-T-O-R. Et donc, de la même manière, acteur se dira en anglais. Actor. Actor, oui. Et donc, spectateur se dira. Spectator. Spectator. Notez bien la prononciation. Spectator. Et comment direz-vous visiteur? Visitor. Visitor. Qui au pluriel donnera visitors avec le son z à la fin. Et pour en revenir au nom de profession, comment direz-vous professeur? Professor. Oui, c'est ça. Professor. Alors juste une petite observation. Actually, en fait, professor a un sens plus restreint en anglais britannique que professeur en français, puisqu'au Royaume-Uni, professor désigne un professeur d'université. Alors, par exemple, si père se dit father, F-A-T-H-E-R, father, et le mot anglais pour dire histoire est history, et celui pour université est university, comment direz-vous mon père est professeur d'histoire à l'université? Alors, commençons par le début de la phrase. Mon père est professeur. Alors, comme vous le savez peut-être, mon et ma se disent my, M-Y. Alors, mon père est professeur. My father is a professor. My father is a professor, is a professor, est professeur d'histoire à l'université. Is a professor of history at the university. Is a professor of history at the university. Alors, encore une fois, mon père est professeur d'histoire à l'université. My father is a professor of history at the university. My father is a professor of history, H-I-S-T-O-R-Y, at the university, U-N-I-V-E-R-S-I-T-Y. Donc maintenant que vous savez qu'au Royaume-Uni, professor désigne un professeur d'université, vous voudrez peut-être savoir comment parler des autres professeurs. Eh bien, on utilisera le mot teacher, T-E-A-C-H-E-R, qui vient du verbe to teach, enseigner. Alors, dans ce cas, on passe non pas de la terminaison er de professeur à or de professor, mais à er de teacher. Alors, si frère se dit brother, B-R-O-T-H-E-R, comment direz-vous mon frère est professeur? En employant le mot teacher. My brother is a teacher. My brother is a teacher. Avec l'article a devant teacher, puisqu'il s'agit d'un nom de métier. Et on va utiliser le même mot pour une femme professeure, puisqu'il n'y a pas de masculin et de féminin en anglais. Alors, ma sœur est professeure, ce sera. My sister is a teacher. My sister is a teacher, tout comme my brother is a teacher. Donc, vous n'avez pas besoin de vous soucier du genre en anglais, ce qui simplifie tout de même beaucoup les choses. Il existe en anglais de très nombreux noms qui, comme teacher, finissent en er et qui sont dérivés d'un verbe, ici, to teach. Et dans ces cas-là, vous les retrouverez d'autant plus facilement que vous connaissez le verbe correspondant, puisqu'il suffit d'y ajouter la terminaison er pour obtenir le nom correspondant. Bien. Alors, si « to play » P-L-A-Y veut dire « jouer », quel sera le mot pour dire « joueur » en anglais? Player. Player, oui, bien sûr. Pour parler, par exemple, d'un joueur de tennis, on dira « un tennis joueur ». Donc, on inverse l'ordre des mots et on omet l'équivalent du mot « de ». Alors, un joueur de tennis, littéralement, un tennis joueur. Ce sera Et au passage, le mot tennis est exactement le même qu'en anglais. Alors je vous écoute. A tennis player. A tennis player. Et si le verbe employé se dit to employ, alors comment direz-vous employeur? Employer. Employer, oui, c'est ça. Et donc, sachant que nouveau se dit new et jeune se dit young, Y-O-U-N-G, comment dira-t-on mon nouvel employeur est très jeune? My new employer is very young. OK, my new employer is very young. Donc, comme vous le voyez, le fait de connaître le verbe aide souvent à deviner ou comprendre le nom, comme on l'a constaté avec to employ et employer, to play et player, ou encore to teach et teacher. Alors, n'hésitez pas à utiliser cette inépuisable ressource de l'anglais qui vous permettra de retrouver ou de deviner les mots d'une même famille.